Dans la série des classiques Théâtre grec, la communauté radiophonique des programmes de langue française vous présente Les Bacchantes d'Euripide. Parmi les hommes, me voici, moi, Dionysos, moi qu'accoucha par la foudre dans les éclairs tonnants ses bébés, fille de Kalmos. Sur ma divinité, j'ai jeté la défroque mortelle. Et, promeneur inconnu, je remonte au souvenir de ma naissance. Ici, le tombeau de ma mère foudroyée. Là, incendiée, ardente encore, les ruines de sa maison et, fleur de lumière, la flamme du dieu toujours vivante. Car telle fut la vengeance d'Héra, épouse de mon père, reine des dieux. Sois béni, Cadmos, père de ma mère. Sois béni d'avoir caché ces ruines pour ne les consacrer qu'à ta fille. Moi, j'y ai planté la vigne dont le feuillage chargé de grappes dérobe aux yeux vulgaires le lieu sacré de ma naissance. J'ai parcouru les terres les plus lointaines, la Lydie au guéret d'or, et la Phrygie, et les déserts perçants brûlés de soleil, et les murailles de Bactriane, et la terre des Mèdes, aux hivers si cruels, et la douce Arabie, et l'Asie, baignée au bord de la mer salée. Partout, j'ai promulgué mes rites, institué mes fêtes, enseigné les mystères, pour convaincre les hommes de ma divinité. Mais, pour la Grèce, Thèbes sera la première cité où moi j'aurai posé le pied, et donc la première à répondre à mes incantations, la première où, sur le corps des Bacchantes, j'aurai jeté la peau d'agneau, la nébride tachetée. La première où l'on aura brandi le thyrse, fleuri de lierre. Car les sœurs de ma mère, pourquoi elles? Les sœurs de ma mère osaient prétendre comme moi, je n'étais pas le fils de Zeus. Qu'un homme avait séduit ma mère, que sur les conseils de son père, elle avait inventé cette fable, rejetant son péché sur le dieu sans péché. Ivres d'envie, elles ajoutaient, c'est pour une telle divagation, pour un pareil sacrilège que Zeus l'a justement châtié. Alors moi, sur les blasphématrices, j'ai lancé le frelon de la folie. Délirante, écumante, hurlante, les filles de Cadmos gîtent dans la montagne, couvertes des signes de même mystère. et avec elles toutes les femmes de terre, s'arrachent à leur foyer pour vivre à l'ombre des pins sur le rocher nu, croupissant comme des bêtes. Voilà ce qu'il en coûte de se refuser un mérite, d'oser douter de ma naissance divine. Telle est la preuve de mon immortalité. Cadmos a légué la puissance royale à Pinthée, fils de sa fille. Mais Pinthée, me chassant des sacrifices, m'ignorant dans les prières, ose suspecter ma divinité. Je lui apprendrai, moi, le dieu, qui je suis. À lui, le roi, et à tous ses sujets. Et je ne quitterai la cité de Thèbes qu'accepter, adorer, confirmer. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, Dionysos, fils de Zeus, je me suis fait homme. Ménades, Bacchantes, ô mes sœurs en délire, vous dont le cortège strident m'accompagne, battez les tambours, agitez les sistres et montrez-vous toutes, montrez-vous au soleil, emplissez tout l'espace, sortez, jaillissez, répandez-vous dans la cité de Cadmos, que l'on puisse vous voir toutes. Femmes d'Asie et femmes de Thèbes, esclaves bacchantes des rites de Dionysos! Celui qui ne s'écarte pas vient nous barrer la route, et rien ne peut entraver les mystères. Heureux qui connaît les mystères divins, sa vie est jouissance, et dans les saintes purifications, il fortifie, il exalte, il enivre son âme. Moisson d'amour, fruit de tendresse, heureux qui adore si belle la grande mère. Heureux qui, brandissant le tirse, rêvèrent Dionysos. Dionysos qu'engendra Zeus dans le giron de ses mêlées. Dionysos qu'elle enfanta lorsque Zeus fit briller la foudre. Dionysos que Zeus saisit pour l'enfermer dedans ses cuisses. Qui dans la cuisse aux yeux des rats fut dérobé pour son salut. Mais qui naquit quand les Moirailles l'eurent formé enfant de Dieu. Dionysos qui leur naquit portant des cornes de taureau. Et que Zeus couronna de serpents. Ville nourricière, ô Thèbes, couronne-toi de lierre, fleuris-toi en laurier rose, en laurier blanc, habille-toi de feuilles de chêne et couvre-toi d'aiguilles de pin. Que la forêt te peigne une peau tachetée, tisse pour toi de blanches et laineuses bandelettes. Te tresse un tirse délirant, car la cité, toute la cité, délaissant ses travaux, va s'élancer là-haut, aux cimes ombreuses des montagnes, là où Dionysos le commande. Maison secrète, grotte divine, Antre de Zeus. Les corribantes y ont taillé la triple flûte. Ils ont tanné le cuir sacré des tambourins. Son des roseaux. Cris des cymbales. Rythme de joie. Ils ont bercé le roi des dieux par leur vacarme. Et les satyres ont obtenu cet héritage. Cœur délirant. Danse démente. Râles et cris. Charme le fils du dieu des dieux. Dionysos ! Dionysos ! Ah, comme il est doux sur la montagne, quand la fatigue vous écrase, comme il est doux, après la course, de se laisser couler au sol. Comme il est doux alors de poursuivre le bouc et lui tord dans les cornes de l'égorger vivant et de boire le sang tout ruisselant de sa gorge ouverte. Et dévorer sa chair, tout encore vibrante de vie. Du sol jaillit le lait. Jaillit le vin. Jaillit le miel. Et dans les tourbillons fous de l'encens parfumé, Dionysos, la chevelure flottante, à la main le fouet de feu, Dionysos cingle les cœurs épuisés par ses cris, par sa joie. Allez, Bacchante ! Allez ! Délices ! Délices ! Tambours et flûtes ! Clameurs et danses ! Allez, Bacchante ! Allez ! Allez ! Alors moi, la Bacchante, moi je m'élance comme les talons poursuivant dans le pré la cavale. Hola ! Personne ? Annonce à Cadmos que Tirésias le demande. Il sait pourquoi c'est convenu. Oui, malgré ma vieillesse chancelante et la sienne croulante, nous avons décidé, nous, les anciens, d'agiter le tirse, de nous vêtir de peau d'agneau et de nous couronner de jeunes pousses de lierre. Oh, cher, cher, très cher Tirésias, en entendant tes paroles, j'ai reconnu la voix de la sagesse. Oh, le plus sage des sages. Vois, moi aussi je suis prêt. Tirse, couronne et chemise de peau. Célébrons Dionysos, puisqu'il est fils de ma fille. Mais où sont les cœurs? Où danserai-je? Et dans l'ivresse, agiterai-je ma tête chauve? Oh, vieillard, tu guideras ma vieillesse. Car toi, tu es un initié. Et du soir au matin, avec le tirse, je frapperai la cadence. Car figure-toi que j'ai même oublié à quel point j'étais vieux. Je suis tout comme toi, Cadmos. Un jeune homme, presque un enfant. Et je cours me joindre au cœur de fête. Au lieu de courir, prenons un char. Nous irons plus vite. Mais cela marquerait moins d'égards pour le dieu. Tu as raison. D'ailleurs, puisque tu es aveugle, moi je te conduirai par la main, comme un petit enfant qu'on mène. C'est le dieu qui nous conduira, et nous ne sentirons nulle fatigue. Mais, Tirésias, Il n'y a donc que nous à célébrer Dionysos. En effet, seuls nous sommes sages. Tous les autres sont fous. Fous. Fous. Fous. Allons, prends-moi la main. Non, grimpe sur mon dos. Tu seras le cocher, je serai l'attelage. Ah, ce n'est pas moi qui mépriserai les dieux. Je sais que je ne suis qu'un homme. Oui, Cadmos, devant l'infinie sagesse, humilions-nous. Aucune raison, quelque argument que découvre la profonde intelligence. Rien, rien, rien jamais ne renversera la respectable tradition, aussi vieille que le temps lui-même, tradition de nos pères et qu'ils nous ont léguée en héritage. Et moi, je ridiculiserai ma vieillesse en dansant comme un adolescent. Le dieu n'a pas décidé si c'est à l'ancêtre ou au blanc-bec qu'il appartient de l'adorer. Cette religion ne connaît pas les catégories. Tirésias, tu n'y vois point. Alors je te préviens, voici Pinté, mon petit-fils, à qui j'ai cédé tout pouvoir. Il est le roi, le nôtre aussi. Comment va-t-il prendre cela? J'entends qu'il se passe d'étranges choses dans notre ville. Sous le couvert des bois, au flanc des montagnes, les femmes vaguent et divaguent pour le dernier trouver des dieux. Un Dionysos. Et qu'importe son nom. Rempli à plein bord, les outres sont plantées au cœur des clairières. Et nos femelles, ivres de vin, cherchent l'abri où s'accoupler au mâle. Et cette démence, parce qu'elle célébrerait des sacrifices. J'ai fait lier celle que l'on a prise. Quant aux autres, on les poursuivra, on les enchaînera et l'on mettra un terme aux orgies monstrueuses. L'on raconte aussi qu'il serait venu de Lydie un étranger, un magicien, un charlatan paré de tresses blondes, parfumé en courtisane, avec dans ses yeux sombres toutes les grâces de l'amour. C'est lui, le corrupteur de nos femmes, l'initiateur à ses mystères. Il proclame la divinité de Dionysos, ajoutant qu'on aurait cousu le faux dieu dans la cuisse de Zeus, quand le feu du tonnerre avait consumé sa mère, cette menteuse. Si on le prend, fini de frapper la terre du Tirse et de secouer sa blonde chevelure, c'est sa tête qui roulera à ses pieds. Mais que voici un autre prodige. Tirésias en peau d'agneau, et avec lui Cadmos, le père de ma mère. Ah, dérision. Père, je rougis de te voir ainsi. Arrache ce lierre, jette ce Tirse. Tirésias, c'est toi qui l'as entraîné, n'est-ce pas? Un dieu de plus chez les hommes, cela fait de nouveaux bénéfices pour les prêtres. Entrailles de poulet, vol d'oiseaux. Vieillard, si tu n'avais l'excuse de ton âge, je te ferais enchaîner avec les bacchantes. Tu parles bien, jeune homme, tu parles bien. Mais rien ne coule dans tes paroles. Tu méprises le dernier venu des dieux. Celui dont je ne pourrai décrire avec quelle puissance il dominera la Grèce. Incrédule, apprends-t-on ceci. les divinités sont deux. Deux. L'une est la mère, la déesse mère. Déméter ou la terre, nomme-la comme il te plaira. Elle est le blé, elle est le pain, elle est la vie. La substance réelle et profonde, la grande nourrice de l'humanité. L'autre dieu, lui, a inventé le jus de la vigne. Il s'est offert lui-même en libation. À l'homme, il a donné la vigne en oubli de la misère, le bonheur dans l'apparence. Voilà à son présent le sommeil et l'ignorance, car nos maux n'ont pas d'autre remède. C'est lui qui enfle les prophètes ou qui souffle la panique au cœur des soldats. Il est le divin délire, propice ou fatal selon qui le reçoit. Crois-moi, Pinté, ce n'est pas la force qui gouverne l'homme, mais l'ivresse. Monarque, ton orgueil s'exalte aux acclamations de ton peuple. Alors comprends l'orgueil d'un dieu. Célèbre-le. Couronne-toi la tête. Verse le vin. Danse et chante. Tu te moques de nous, les deux vieillards en fête. Sache bien que pour t'obéir, je ne braverai pas les dieux. Plutôt leur ridicule que l'impiété. Et moi, je danserai. Et moi, je chanterai. Puisque le dieu le veut. Tirésias, c'est de bons conseils, mon fils. Mais écoute-moi aussi. Et si Dionysos ne l'était pas dieu, puisque tu le prétends, que t'en coûterait-il de l'appeler divin? Il est fils de ma fille, et cette gloire d'enfanter le divin rejaillira sur notre race. Allons, viens, approche, mon fils, que je couronne ton front. Ah, ne me touche pas, père! Cours à tes bacchanales! N'essuie pas ta démence sur moi. Et puisque celui-là t'enseigne la folie, garde! Avec des leviers, on ébranle, on renverse, on retourne, on bouleverse le temple où loge ce corrupteur. Que ces bandelettes sacrées soient jetées au vent des tempêtes. Et vous aussi, cherchez, tous à la piste. Cherchez par la ville et trouvez-moi cet étranger au visage de fille qui pourrit nos épouses et qui souille nos lits. Enchaînez-le! Traînez-le devant moi, qu'il connaisse Dantès, la mère bacchanale. Oh, Cadmos, prions pour lui, pour Pinté, pour ton petit-fils. Il déraisonnait tantôt, à présent il délire. Tout cela finira mal. Ah non, je ne prophétise pas. Ce n'est qu'un simple fait. Ton petit-fils est fou. Parle en fou. Agis comme un fou. Guide-moi, Cadmos. Je t'aiderai à marcher. Deux vieillards chancelants ne sont pas un spectacle, mais ils sont toujours au bon à servir Pacos, fils de Zeus. Thank you. deux ailes d'or caressent la terre en extase. Esprit de la piété, ô vénérable religiosité, l'as-tu entendu, l'impie? L'as-tu entendu? L'as-tu entendu, outrageant Bacchus, le fils de Sémélé? L'as-tu entendu, insultant Dionysos, que la table des dieux accueille avec respect? L'as-tu entendu, bafouant notre dieu, ce dieu de joie, ce dieu d'ivresse, qui entraîne les cœurs au sifflement des flûtes et du jus de la grappe endort notre misère? Qui parle trop, tôt ou tard connaîtra les tracas. Science et sagesse font deux routes distinctes. La sagesse est une voile qui, du roulis d'angoisse, préserve le navire bonheur. Si loin que dans les terres vivent les dieux du ciel, jusqu'à la moelle, ils voient les mortels malfaisants. Pour tout homme, il est fou de dépasser l'homme. Et qui le tente est un triste démon ou un pourceau d'impie. À Chypre habitent les amours charmant le cœur des mortels. Oh, puissais-je voir Chypre, l'île d'Aphrodite. À Pharos, les 100 bouches du fleuve fécondent la terre grosse des blondes moissons. Oh, puissais-je courir jusqu'à Pharos et jusqu'à Olympie dans les vallons sacrés. Conduis-moi jusque-là, Dionysos. Là sont les grâces et les dieux du désir et les dieux du plaisir. Là où l'on célèbre d'ardentes bacchanales. Le fils de Zeus aime l'amour. Il aime l'abondance et la paix nourricière. À tous, aux pauvres comme aux riches, il a donné le vin dont les délices chassent la tristesse. Il est qui n'aime pas, qui ne connaît la douce joie de vivre. Aussi, mon cœur, reste prudent, bien loin des ambitions démentes de l'homme qui résiste. Ce dont la foule brute, la plus sauvage, la foule immense a fait sa loi. Ce que respecte et vénère le nombre, je l'adorerai, moi. Capturer ce gibier dont tu avais ordonné la chasse. Curieux monstre, d'une grande docilité. Il n'a pas pris la fuite. Sans trembler, sans pâlir, il m'a tendu les mains de lui-même et tout en souriant, c'est lui qui m'a commandé de l'enchaîner. Alors quoi de plus facile? Il ne bougeait même pas. Moi, ça m'impressionnait. Alors, je lui ai expliqué que ce n'était pas de mon propre chef que je l'arrêtais, que je n'étais, après tout, que la main de ce corps dont le roi fournissait la tête. À ce même moment, les bacchantes, enfermées dans la prison publique, se sont d'elles-mêmes libérées. Les fers qui leur serraient les pieds sont tombés tout seuls. Les verrous, les battants, les loquets des portes se sont ouverts et... On nous les a éparpillés comme ça pour invoquer Bacchos dans les forêts. Tout ça n'est pas naturel. Et à ta place, ô roi, je me méfierais. Surtout de celui-là. N'aie crainte, je le tiens. Il est dans mes filets. Il n'échappera pas aussi facilement. En effet, étranger, tu es plutôt bel homme. La longue chevelure qui coule sur tes joues n'est pas celle d'un athlète. Elle appelle l'amour. Et tu gardes bien blanche ta peau. Tu la caches à l'abri du soleil pour la rendre plus douce. Je m'explique tes charmes auprès de nos femmes. D'où viens-tu? Connais-tu le Tmolos fleuri? Oui, il entoure la ville de Sardes. Eh bien, je viens de là. Je suis lydien. Pourquoi nous révèles-tu une religion de plus? Dionysos, fils de Zeus, m'a choisi. Tiens! Il y aurait par là quelque autre Zeus qui nous fabriquerait de nouveaux dieux? Il n'y en a qu'un. Celui qui, ici même, s'est uni à ses mêlées. Et ton Dionysos, en as-tu reçu les ordres la nuit? En rêve? Je le voyais. Il me voyait. Il m'a confié les secrets. Et pour toi, que signifient les secrets? Il est interdit de les révéler à qui n'a pas reçu l'initiation. Que gagne-t-on à célébrer un pareil culte? Te le dévoiler serait sacrilège. Sache que l'on sait plus quand on les connaît. Puisque tu prétends l'avoir vu de tes propres yeux, sous quelle forme ce dieu a-t-il apparu? Sous la forme qu'il s'était choisie. Je n'allais pas lui en imposer une. Tu esquives la réponse et parles pour ne rien dire. L'insensé ne comprend rien au langage plein de sens. Ici, dans Thèbes, est-ce bien la première fois que tu essaies d'imposer ton dieu prétendu? Les barbares déjà reconnaissaient ces rites. Les barbares! En ceci, ils ont dépassé les Grecs. Et ce culte nouveau, est-ce la nuit? Est-ce de jour qu'on le pratique? La nuit? L'obscurité grandit les choses. La nuit est le refuge du vice. On peut pécher le jour aussi bien que la nuit. Il a la langue bien pendue, le Bacchan. Mais je n'en punirai que plus justement ses projets criminels. Parle. Que me prépares-tu? D'abord, je ferai trancher ta jolie chevelure. Sacrée, elle appartient aux dieux. Allons, jette ce tirse! Car ce n'est pas ainsi que l'on se tient devant un roi. Arrache-le-moi. Il est à Dionysos. Car ce n'est pas ainsi que l'on se tient devant un dieu. Tu seras couvert de chaînes, jeté en prison. Le dieu me délivrera quand je le voudrai. Il te sortira de prison comme on l'a sorti de la cuisse de Zeus. Il est ici. Il le voit. Ici? Tiens, tiens, il n'est guère visible. Pour toi, il ne se révèle pas à celui qui doute. Saisissez-le! Il se moque de nous! Ne me touchez pas! Je suis le maître et je vous l'ordonne! Ah, pauvre insensé! Tu ne sais pas ce que tu te prépares, ni ce que tu fais, ni ce que tu es! Allons donc! Je suis le roi de Thèbes, et tu l'apprendras vite! Je suis Pinthée, fils d'Échion et d'Agavé. Pinthée, fils d'Échion et d'Agavé. Voilà un nom que le destin n'oubliera pas. Jetez-le aux écuries, qu'il y célèbre ses bacchanales. Quant à ces femmes, finis de courir les campagnes. Nous leur apprendrons à filer la toile. En enchaînant, Pinthée, c'est Dionysos que tu outrages. C'est à Dionysos dont tu nies l'existence que tu paieras ta lourde dette. Si ce n'est qu'à Dionysos. Pourquoi me chasse-t-on? Pourquoi suis-je persécutée? Moi qui l'aurais reçu, moi qui l'aurais nourri, comme la source, comme l'herbe, comme l'arbre. Il est dément. Il est dément, ce Pinthée gonflé de rage, ce fils de géant, ce fils du monstre issu de la terre et des dents du dragon, ce fils de l'ennemi des dieux. Il va m'enchaîner, moi, la servante de Bacchos. Et dans ses noires prisons, il a jeté mon compagnon de bacchanal. Dionysos, fils de Zeus, tes prophètes gémissent, qui te proclament et pourchassent, qui t'adorent persécutés. Viens, ressuscite, apparaît. Oui, oui, apparaît, ressuscite. Le tirse d'or brandi au nom de ta divinité, lève-toi, Dionysos. Dio, écoutez-moi, Bacchante. Dio, Bacchante. Qui m'appelle? Yo! Quel est ce cri? Dio! D'où vient-il? Dio! C'est moi! C'est moi! Le fils de Zeus! Dio! Maître! Chez nous! Parmi nous! Parmi celles qui t'attendent et t'implorent. Écoutez! Le sol tremble sous les pas du dieu! Bientôt! C'est pas terrible. La maison de Pinté vacillera, s'ébranlera, s'abîmera. Adorez tous Dionysos. Nous l'adorons. Déjà, des colonnes s'écartent et se brisent, les traverses de marbre. Au triomphe du dieu, le palais sera détruit. Toits et colonnes, murs et pilastres, pierre sur pierre, il n'en restera rien. Torche, torche, allume-toi au feu de la foudre divine. Brûle et tords-toi sous la morsure du feu. Car tu vas dévorer la maison de celui qui m'insulte, moi, Dionysos. La flamme, elle brille sur le tombeau de Sémélé. Elle grandit, elle gronde, elle court de la torche au palais. Elle dévore les ennemis du dieu. Prosternez-vous. Couchez vos corps tremblants, Bacchante. À genoux, à plat ventre, la face dans la terre. Voici le fils de Zeus. Femme, pourquoi vous roulez sur le sol? Par cette tornade d'épouvante, c'est la maison de Pinté que frappe Dionysos. Relevez-vous et chassez la terreur de votre chair tremblante. Oh, lumière! Lumière, lumière des Bacchantes, tu renais, ô lumière, pour nous priver si longtemps de ta lueur. Ainsi vous succombiez au désespoir parce qu'on m'arrachait à vous? Vous pensiez réellement que j'allais, moi, me laisser conduire aux prisons de Pinté? Comment ne pas le croire? Qui donc pouvait te délivrer? Moi-même. Et cela sans nulle peine. Il ne t'avait donc pas lié pieds et poings? Il le croyait. Mais il ne m'a même pas effleuré. Je l'ai repu d'illusion. À l'écurie, c'est un taureau qui l'entrave à ma place. Une corde! Une corde autour des jarrets! Dans sa rage, il halète, se mord les lèvres, ruisselant de sueur. Moi, assis, immobile, je le regardais faire. C'est alors qu'apparaît Dionysos. Le sol tremble et doucement flamboie la torche du tombeau de sa mère. Pinté croit le palais en feu, il s'affole, court, donne des ordres, fait apporter l'eau. Puis, quand tout le monde se dépense, lui renonce, car il découvre ma fuite. Agitant son épée, il se précipite sur mes traces. Mais au centre de la cour, Dionysos multiplie les mirages. Pinté se rue et ne transperce qu'une vapeur légère. Alors le sol s'ébranle et le palais s'effondre. Tout s'écroule autour du roi. Il apprend ce qu'il en coûte de m'enchaîner. Alors, accablé, écrasé, Pinté s'abat, pitoyable mortel qui prétendait combattre un dieu. Et moi, en mon cœur toute la paix du monde, je suis sorti pour venir parmi vous. Le roi vient. Il va paraître. Que trouvera-t-il à dire? Je compte bien l'étonner par ma modération. Il m'a échappé. Échappé, vous dis-je. Il y a un instant, je le tenais chargé de chaînes. Et puis, Et puis... Ah... Te voilà. Comment as-tu réussi ce tour? Calme-toi d'abord. Comment as-tu fait pour sortir de mes prisons? Ne l'avais-je pas dit que j'en serais sorti? Ou alors... Ne l'avais-tu pas entendu? Tu parles par énigme. Qui n'ai-je pas entendu? Celui qui fait pousser la vigne lourde de grappes vineuses. Ferme les portes! Toutes les portes! À quoi bon? Les dieux traversent les murs. Tu te crois du génie pour un peu de bravade? Vraiment. Écoute plutôt ce que te veut cet homme-là qui te vient de très haut, de la montagne. Pintée, roi de Thèbes, j'arrive du Citéron aux neiges éternelles. Quelle nouvelle m'apportes-tu? J'ai trouvé les Bacchantes, filles de Cadmos, qui, harcelées par la folie, promènent leurs pieds nus sur les terres incessantes. Je viens à toi et à la cité te raconter leurs actions monstrueuses. Mais dis-moi si je puis vraiment dire tout ce qui s'est passé. Parle et ne crains pas. Plus graves seront les faits et mieux je châtierai le coupable. J'avais mené mes bœufs sur un plateau rocheux. À l'heure où les premiers rayons du soleil commencent à réchauffer la terre, j'aperçois trois groupes de femmes, l'un mené par Autonoé, l'autre par ta mère, Agavé, le troisième, enfin, par Ino. Et ces femmes dormaient, les membres abandonnés, les unes adossées à un tronc de sapin, d'autres, la tête posée sur un coussin de mousse et de feuilles de chêne. Elles ne paraissaient nullement ivres, ni exaltées par la danse, ni ardentes à l'amour. Soudain, au mugissement de mes bœufs, ta mère lance un cri, dressé droit au milieu des Bacchantes. Alors, secouant le sommeil de leur corps, les Bacchantes se soulèvent, jeunes, vieilles, vierges, libres du joug, les cheveux coulant à flots sur les épaules. Elles drapent les nébrides dénouées, attachent les peaux mouchetées avec, pour ceinture, le serpent qui leur léchait la joue. D'autres, au sein gonflé d'un lait crémeux, allaitent un chevreau ou encore un louveteau. Elles se couronnent de lierre, de chêne et de fleurs de laurier. L'une saisit le tirse et en frappe un rocher. Jaillit une source fraîche. L'autre, au sol, abaisse sa baguette. Et là, c'est le vin. Le vin qui coule à plein bord dans la coupe. Certaines de leurs doigts lestes ouvrent la terre et s'abreuvent alors à des ruisseaux de lait. Le long des tirses parés de lierre, s'égoutte le miel sacré. Ah, roi, si tu avais vu ce que j'ai vu là, tu l'aurais adoré, ce dieu que maintenant tu... Nous, bouviers, bergers, nous admirions. Quelle merveille, quel prodige, quel miracle. Mais alors un homme de la ville, un autre beau parleur, prit la parole. « Il faut attraper la mère du roi. Nous l'arracherons au bacchanal et le roi nous en récompensera largement. » Et nous avons trouvé l'idée bonne. En embuscade, au fond des taillis touffus, nous guettons. Alors commence la bacchanale. D'un même cri, elles invoquent celui qu'elles appellent Iacos, Bacchos, Bromos, Dionysos, le fils de Zeus. Toute la montagne en frémit, feuillage, oiseaux, bêtes, tout tremble dans un frisson religieux. Le hasard amène Agavé à deux pas de ma cachette. Moi, je m'élance pour la saisir, mais la voici qui hurle. « Chienne, ô ma meute rapide, les hommes nous donnent la chasse !» Et par milliers, les Bacchantes se ruent sur les bergers dispersés. Nous fuyons, comment échapper, à leur démence. Mais nos bœufs sont là, broutant l'herbe verte. Elles se jettent sur les troupeaux. Et alors, sans armes, sans épieux, sans haches, sans rien d'autre que leurs mains de femmes, elles démembrent les bêtes. Oui, l'une plante ses ongles dans les mamelles d'une génisse, l'autre égorge un bœuf. Les taureaux, écumant de rage, foncent pesamment, mais mille mains leur tordent les cornes, les écrasent au sol, les déchirent, les dépècent. La chair s'accroche aux branches des pins ruisselantes de sang, et les sabots fourchus, lancés dans l'air, retombent en grêle. Et les femmes tourbillonnent comme ces nuages d'oiseaux nageant dans le ciel, et elles tuent, comme toi, tu clignes de l'œil. Sans les brûler, des flammes jaillissent de leurs chevelures, et leurs flots, leurs torrents, se ruent dans la plaine pour se répandre sur les villages. Là, elles s'abattent, saccagent tout. C'est à peine croyable. Mais tout ce qu'elles jettent sur leurs épaules tient sans attache. Elles ravissent le bétail, enlèvent les enfants. Les paysans, dépouillés, saisissent des armes pour se défendre. Alors, le spectacle dépasse l'imagination des hommes. Ô roi, aucune arme, aussi tranchante, aussi acérée, aussi aiguë fut-elle, ne leur érafle la peau. Mais elles, de leur tirse, d'une simple baguette, elles transpercent ceux qui tentent d'endiguer leur marée. Elles, des femmes, elles dispersent les hommes. Tout cela, bien sûr, par magie. Puis, repues, elles s'en retournent là où nous les avions surprises, aux sources que pour elles le dieu a fait jaillir. Elles s'y lavent du sang qui les souille. Et doucement, les serpents lèchent les gouttes qui coulent au long de leurs joues. Je crois, ô maître, ô roi, qu'avec un dieu pareil, il vaudrait mieux lui donner place dans la cité. Voilà ce que je craignais. La folie se déchaîne. Pas de temps à perdre. Cours à la porte du nord. Et à tous les hommes portant le bouclier, montés sur un cheval rapide, brandissant la pique, armés de l'arc, ordonne de venir ici. Nous allons maîtriser ces démentes. Pinté, tu ne prétends pas m'écouter. Je te le répète, le dieu ne tolérera pas que tu touches aux bacchantes. Toi, tu as déjà réussi à t'échapper. Restes-en là et tais-toi. Tu n'es qu'un mortel. Lui est un dieu immortel. À ta place, je lui sacrifierai. Je lui sacrifierai ses femelles. Tu fuiras. Vous fuirez tous. Les boucliers reculeront devant les tirses. Mais à la fin, va-t-il se taire? Je veux te servir pour me racheter ensuite. Promets-moi la vie, et je t'aiderai. Nous verrons si cela vaut ta vie. Tout peut encore être sauvé. En cédant à mes esclaves? Non, mais observe-les. Ainsi tu jugeras si ce que tu appelles leur crime mérite vraiment la mort. En effet, j'aimerais les voir avilis par l'ivresse. Ce triste spectacle te réjouirait donc? Oui. Si je savais où elles se terrent, je me cacherais sous les sapins pour mieux les épier. Elles découvriront tes traces? Et alors, je n'aurai qu'à paraître. Qu'ai-je à craindre? Je ne crois pas au radotage des bergers. Ainsi, puisque tu le veux, je te conduirai jusqu'aux bacchantes. Allons, ne perdons pas de temps. Couvre-toi d'une robe de lin. Tu veux me déguiser? Si parmi elles on découvre un homme, elles le tueront. Je ne veux pas être humilié. Tu ne veux plus les contempler? Mais comment dois-je me vêtir? Je dénouerai ta chevelure, qu'elle se répande sur tes épaules. Est-ce tout? Une robe te couvrira jusqu'aux pieds. Sur la tête, un bandeau. Rien d'autre? Si! Une peau mouchetée. Un tirse pour ta main. Comme une bacchante. Comme une femme, donc. Tu préférerais verser le sang des hommes? Non! N'ajoute pas le mal au mal. Et comment sortir de la ville sans être vu? Je te conduirai par les quartiers déserts. Soit. Soit. Il faudra réfléchir à tout cela. Femme, cet homme est à moi. Il ira là où on le mettra en pièces. À toi d'agir, Dionysos. Tout d'abord, enlève-lui la raison. Toute sa fausse et vaine et glorieuse raison, qu'il flotte dans un égarement vague. Jamais, lucide, il ne s'accoutrerait en femme. Or, je veux l'humilier, l'abaisser devant Thèbes, lui, le roi terrible, le noble épouvantail, promené publiquement dans la ville, comme une fille perdue. Et la parure dérisoire dont je vais l'orner, collé à sa peau, il l'emportera jusqu'aux enfers, lui, l'homme de raison, égorgé par les mains de sa propre mère. Ainsi, il connaîtra enfin Dionysos. Dans la rosée. Courir, la tête tournoyante comme une biche, ivre de sa prairie. Elle a sauté le nœud des cordes, le réseau des filets, les barrières des chaînes. Mais le chasseur a lâché ses chiens. Alors elle a bondi dans la plaine comme le vent de broussailles en buisson. Elle a couru le long du fleuve, elle a remonté les torrents. Et loin de l'homme, elle jouit de sa forêt. Battante, cours, elle est à toi. Toute la forêt, toute la prairie et toutes les sources. Inéluctable et lente se meut la vengeance divine. Au mortel incrédule, à celui qui de son orgueil ne fait pas un piédestal pour les statues des dieux, elle réclame ses comptes. Pour elle, le temps est sans durée. À la fin, et elle le sait bien, l'impie toujours sera écrasé. Car c'est la sainte coutume qu'avec la tradition qui ont donné à l'homme les fruits qu'aucune raison jamais ne mûrira. Que m'en coûterait-il d'accepter la puissance d'un dieu, quel qu'il soit, quel qu'il puisse être? Les mots, les gestes, les chants, les signes, et ma soumission. Lentement, sans dévier, pour broyer l'homme, la vengeance chemine. Raison d'abord. Cette flamme qu'il croit brillante vacillera, soufflée. Et dans les ténèbres de la démence, l'homme s'agitera comme un corps disloqué dans sa chute interminable. S'écrasera le corps. Se briseront les membres et tout le sang fuira le corps tant qu'il ne restera de cette montagne orgueilleuse qu'un petit tas de chair et d'eau. Bientôt, poussière. <t'en> Homme pressé de voir ce que ne peut connaître l'homme, toi qui désires l'indésirable, Pinté, oui, c'est à toi que je parle. Pinté, sors donc de ce palais. Montre-nous ta parure de femme, ô ma Ménade, ô ma Bacchante. Une vraie fille de Capmos. Il y a deux soleils. Ouch. Deux. Et il y a aussi deux villes. Deux Thèbes. Deux villes aux sept portes. Et toi? N'es-tu pas un taureau? Oui. Tu es bien un taureau. Je vois tes cornes. Je vois ton mufle. Je sens ton souffle, ta suée colle. Je savais bien que tu n'étais qu'une bête sauvage. Le dieu est avec nous. Il te pardonne, puisqu'à présent tu vois les choses comme il convient de les voir. Dis-moi, est-ce que je ressemble à Ino? Ou mieux, à ma mère, Agavé? À te voir, on s'y tromperait. Attends, voici des boucles bien dérangées. C'est en dansant dans le palais que je les ai mêlées. Je suis ton esclave docile. Permets-moi de t'ajuster cette inquiétante beauté. Tiens-toi droite. Voilà. Oui. Fais-moi belle. Et ta ceinture, elle a cédé. Ta robe ne tombe pas comme il le faudrait sur tes fines chevilles. Il me le semblait bien. Du côté droit, rien que du côté droit. Car du gauche, elle tombe royalement jusqu'au talon. Ah, comme tu me chériras lorsque tu auras vu de vrais bacchanales. Le tirse, je le tiens de la main droite ou bien de la main gauche? De la droite. Et tu le brandiras au rythme du pied droit. Je pourrais soulever la montagne avec toutes les bacchantes. Si tu le veux, tu peux soulever le monde, tant tu progresses dans la voie que je t'ai tracée. Mais voilà, faudra-t-il un levier? Un levier. Ou alors, rien que le déraciner par le sommet, en le faisant basculer sur l'épaule. Je ne te le conseille pas. Tu dérangerais les retraites du dieu de la forêt. Tu as raison. Il ne faut pas vaincre par la force. Surtout les femmes. Je me cacherai dans les sapins. Une cachette sombre. Oui. Très sombre. Plus sombre encore que tu ne l'imagines. Je les prendrai dans mes filets comme des oiseaux à la saison des amours. Sois notre rabatteur, ô vaillant oiseleur. Toute la chasse n'attend plus que toi. Conduis-moi. Par la ville? Par le centre même de la ville. Je n'ai pas honte de mon courage. Alors, suis-moi. Une autre te ramènera. Ma mère, sans doute. Ta mère. Elle te ramènera aux yeux de tous. Tu reviendras à porter, bercé. Je ne suis plus si délicat. Porté, bercé dans les bras de ta mère. Tu me promets de suaves délices. Des délices suprêmes. Après tout, ne les aurais-je point méritées? Incroyable. Tu es incroyable. Et tu cours à d'incroyables événements. Incroyables au-delà même de tes mérites. Où tu te tailleras une gloire démesurée. qui jusqu'aux cieux ébranlera l'univers. Chienne rapide, la meute féroce, courez à la montagne où se terrent les filles de Cadmos, qu'elles sachent qu'on vient cacher sous des habits de femme, qu'on vient les épier. Sa propre mère le verra du haut d'un rocher, nu. La première, sa propre mère à toute criera. Quel est l'espion qui ose pour nous guetter venir à la montagne? Oh, Bacchante, quand nous y célébrons nos bacchanales, quel ventre a pu engendrer un tel monstre? Pas une femme, mais une lionne! Vienne la justice! Armée de son glaive, vienne la justice! Qui tranche la gorge à cet être sans foi, sans loi, sans justice même! Ô fils des Khyans, fils de la terre! Oh Bacchos, apparaît dans ta gloire, dans la toute sagesse, dans la toute puissance! Apparaît en forme de taureau, ou encore en dragon aux innombrables gueules crachant la flamme, ou en lion soufflant le feu. Bacchus, chasseur souriant et vainqueur quand l'impie tombera sous les coups des ménades, enveloppe-le, étrangle-le, étouffe-le! Aveugle-le du filet de la mort! Demeure de mon roi, jadis si florissante. Palais de celui qui se mâle héros comme les dents du dragon. J'apporte le malheur. Viens-tu de la retraite des Bacchantes? Que s'y est-il passé? Pinté, mon roi, n'est plus. Oh, Dionysos, roi! Oh, le plus puissant de tous les dieux! Tu te réjouis du malheur qui nous frappe. Évoé! Je chanterai Évoé comme le chantent les barbares. Je rirai dans les chaînes, je danserai dans les supplices. Évoé! Esclaves, les hommes te feront taire! Dionysos est mon maître! Je ne connais plus Thèbes, je ne connais plus les hommes. J'appartiens à Dionysos et Évoé. Mais parle, comment est-il mort, celui que tu servais jusqu'à l'injustice? Nous avions quitté la ville et franchi le fleuve. Nous suivions un ravin, l'étranger notre guide, Pinté et moi, étouffant le bruit de nos pas dans l'herbe épaisse. Retenant notre voix, notre souffle, pour tout voir sans être vu. Devant nous s'ouvre un repli de la montagne, encerclé de hautes roches, ombragé de sapins, arrosé de ruisseaux. Là se tenaient les ménades. L'une orne un tirse nu d'une verte couronne feuillue. Les autres, joyeuses comme des poulains libérés du joug et du frein, s'ébrouent en se répandant par cris et ruades. Pinté regardait, mais il n'en voyait pas assez. Étranger, dit-il en grimpant, en escaladant un arbre, jusqu'à l'écœurement je pourrais repaître mes yeux de cette ignominie. L'étranger, alors, et c'est à ce moment que j'ai reconnu qu'il n'était plus un homme comme les autres, l'étranger fait ce miracle. Il saisit l'extrémité d'une branche de pin et, l'attirant vers lui, abaisse le tronc jusqu'au sol. L'arbre le suit, fléchit, s'arrondit comme un arc et la courbe se trace au cordeau. Pinté s'agrippe au sommet, et l'autre, retenant l'arbre des mains, le laisse retomber, remonter insensiblement. L'arbre est droit, planté dans les airs. et mon maître, accroché à son faîte, apparaît dans le ciel aux yeux des Bacchantes. Mais avant même qu'on ne l'ait aperçu, l'étranger disparaît. Une voix flottant dans les airs vibre aux oreilles. Oh, femme, mes servantes, je vous amène celui qui se rit de moi, de vous, de nos mystères. À peine a-t-il chanté ces mots qu'un éclair joint le ciel à la terre. Mais l'air est silencieux, pas une feuille ne tremble, pas une bête ne gémit. Les Bacchantes, dressées, nerveuses, partout portent leur regard. Alors le dieu répète: femme, mes servantes, je vous amène celui qui se rit de moi, de vous, de nos mystères. Elles le reconnaissent. Dionysos! Dionysos a parlé! Comme un vol d'oiseaux de proie, agavé, la mère de Pinthée et ses sœurs et toutes les Bacchantes tournoient, bondissant par-dessus les précipices, enjambant les ravins, écumantes. Pinthée est là, dans le sapin. D'abord, elle le crible de pierres. Grimpée sur les rochers, avec rage, elle le cingle de cailloux tranchants. D'autres lancent leurs tirses, mais en vain. Trop haut, il oscille lentement, désemparé, abandonné, presque immobile dans le ciel vide. Alors elle brise des branches de chêne et avec ses leviers s'épuise à déraciner l'arbre, en vain. Mais agavée les rassemble. Bacchantes, toutes encerclées le tronc, saisissez-le, fléchissez-le, il nous faut cette bête. Qu'elle ne révèle rien de nos secrets mystiques. Les mains grouillent le long de l'arbre qu'elle secoue frénétiquement. Pinthée est précipité au sol où il se traîne avec de pauvres gémissements. Sa mère se rue. Mais Pinthée arrache le bandeau, rejette sa chevelure pour que sa mère, en le reconnaissant, l'épargne. Il lui crie: mère, mère, c'est moi, c'est ton fils, Pinthée, que tu as enfanté dans ta propre maison. Pitié, mère, pitié. Je suis coupable, mais ne tue pas ton fils. Elle, l'écume à la bouche, les yeux exorbités, n'entend ni ne voit rien. Le dieu la possède tout entière. Elle saisit le bras qui, implorant, se tendait vers elle, et le pied sur le flanc du misérable, elle arrache le membre hors de l'épaule. Sa puissance monstrueuse est la force divine. Ino, de ses ongles, lui déchire la chair. Autonoé l'écorche, et avec toute la foule des Bacchantes. Pinthée pleure son dernier souffle, mais elle hurle à sa mort. L'une disloque un bras, l'autre tranche un pied dans la chaussure, et les flancs nus sont déchiquetés par poignées de chair qu'elle se jette comme des balles. Sur les rochers, dans l'épaisse couche des aiguilles de pin, entre ses mains, agavée tient la tête de son fils. Elle la plante sur son tirse et la brandit haute et sanglante, trophée d'un lion de montagne. Et la voici triomphante, orgueilleuse d'un tel gibier, invoquant Dionysos, son compagnon de curé. Dionysos victorieux, auquel la main gluante de sang, elle offre en trophée de larmes la tête de son fils. Du dragon. Pinthée, qui le tire au poing, en robe de femme pour linceul de mort, a suivi le taureau. Mais votre chant, fille de Cadmos, votre chant va se répandre en larmes, car la main d'une mère a plongé dans le sang de son fils. Voici la mère, les yeux fous, la démarche forcenée, hors de sa propre raison. Voici Agavé. Accueillons dans la joie le cortège divin. Bacchante! Oh, Bacchante! Bacchante de l'Asie! Nous vous apportons, fraîchement coupé au flanc de la montagne, ce jeune lierre. Un lierre monstrueux qui s'abreuve du sang qu'il a fallu poursuivre et trancher. Heureuse chasse! Je le vois! Ce jeune lionceau qui promettait tant de crimes, il n'a pas fallu de filet ou de trappe. De mes mains, je l'ai pris. Où est-il mort? La montagne. La montagne. La montagne. La montagne l'a tué. Par laquelle d'entre vous? Par moi. Les dieux m'avaient choisi. Heureuse Agavé. Éternellement. Heureuse Agavé. Dans les bacchanales, on me chantera. Qui d'autre avec toi? Les filles. Les filles. Les filles. Les filles de Cadmos. Elles ont déchiré le monstre. Mais après moi. Chasse inespérée. Venez, Bacchante, venez, prenez part au festin. Malheureuse. Comme il a la peau douce, de la souple crinière vient couler vers la gueule un duvet caressant. Il a bien la crinière d'un monstre. Bacchos, chasseur habile, avait sur sa trace lancé la meute des Ménades. Oui, c'est un chasseur habile. Tu m'admires. Mais oui, je t'admire. Et bientôt, les enfants de Cadmos chanteront cet exploit. Et Épinthée, ton fils... Il chantera sa mère. D'avoir capturé telle proie. Féroce lionceau, monstrueux fauve. Gibier royal. Glorieuse prise. Oh, lionceau, mon roi, glorieuse chasse. Tu en es fier? Ah oui, la joie me soulève jusqu'à l'ivresse pour l'incroyable exploit. Dédié à la patrie thébaine. Montre, oh monstrueuse. Montre à tous quel trophée tu apportes. Habitants de Thèbes, la ville aux superbes tours, venez voir notre prise que sans javelot thessalien, sans filet de chasse, mais de nos faibles mains blanches, nous avons gagné, nous, les filles de Cadmos. Fini de vous vanter d'exploits grâce à vos armes. Nous, il a suffi de nos 10 doigts pour déchirer le monstre. Où est mon père? Qu'il approche? Et que tarde mon fils? Je veux qu'au fronton du palais, il accroche ce mufle d'horreur. Esclave, chargé de ce triste fardeau, suivez-moi. Après avoir cherché ses membres dispersés dans la forêt, j'ai retrouvé le corps du roi. Nous traversions la cité, Tirésias et moi. On s'est clamé le crime de mes filles. Alors je suis allé là-bas pour ramener la victime immolée. J'ai vu Autonoé et avec elle Ino. Elles erraient sous les pins et les chênes, délirantes par la volonté du dieu. Agave, déjà saoul de son crime, était rentré dans Thèbes. Père, sois fier de ta race. Nous sommes bien dignes de toi, toutes, mais moi surtout, moi qui ai délaissé le rouet pour capturer de mes mains le fauve monstrueux. Reçois ce trophée, père. Et en l'honneur de ma chasse, invite à notre table tous les guerriers de Thèbes. Sois heureux, père. Très heureux. Tes filles sont dignes de toi. Oh, douleur, douleur, douleur inexprimable. Quel sacrifice as-tu offert aux dieux, ma fille? Quel sacrifice de moi, de ton enfant, de toi-même, à ce Dionysos qui nous châtie alors qu'il est de notre sang. Comme la vieillesse est chagrine. Ah, si mon fils remportait de pareils triomphes, mais lui ne combat que les dieux. Si tu pouvais, ô ma fille, rester comme tu es maintenant, délirante, inconsciente de tout. Mais je le sais, la vengeance du dieu est de te rendre claire et pleine et présente et vivante, la conscience du crime. Qu'y a-t-il donc ici qui ne soit prodigieux? Regarde le ciel, ma fille. Regarde le ciel. Et pourquoi regarder le ciel? A-t-il changé depuis hier? Il me semble plus clair. Et au fond de toi-même, toujours le même chaos voilant ta raison. Je ne comprends pas tes paroles. Mais il est vrai que je ne suis plus tout à fait la même. Oui. Oh oui. Des ténèbres se dispersent et tout redevient net. Veux-tu m'écouter? Et tâcher de me répondre. Je le veux, car j'ai oublié tout ce que j'avais à te dire. Quel est ton nom? Agave. Je suis Agave. De qui es-tu la fille? Je suis la fille de Cadmos. Dans quelle famille es-tu entrée par le mariage? Cadmos m'a livrée à Échion, venue de Sparte. Et comment se nomme le fils que tu as donné à ton époux? Il s'appelle... Pinté. Et quelle est donc cette tête que tu portes, toi, Agavé, fille de Cadmos, épouse d'Echion, que tu portes à ton poing? Une tête de lion, à ce que l'on disait. Regarde-la, aie donc le courage de la regarder. Je ne vois pas. Une tête, oui. Ose regarder. Est-ce bien la tête d'un fauve? Mon fils. Oh, qui l'a tué? Comment sa pauvre tête est-elle là? Telle est la vengeance du dieu. Cadmos, parle. Dis-lui qui a tué son fils. Oh, qui l'a tué? C'est toi, ma fille, avec tes sœurs, mes autres filles. Où cela s'est-il accompli? Dans les forêts de la montagne. Et que cherchait-il dans les forêts? Il y défiait le dieu et raillait ses mystères. Et les bacchantes? Pourquoi étaient-elles dans les forêts? Vous étiez possédés de folie. Et par la volonté de Dionysos, le délire agitait la cité tout entière. Et c'est Dionysos qui a voulu cela. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous l'aviez offensé en doutant de sa divinité. Mon enfant. Oh, mon jeune roi. Tu étais l'espoir de Thèbes, le soutien de la ville. Fils de ma fille, en te voyant, nul n'aurait osé insulter ma vieillesse. Je ne sentirai plus ta main ferme sur mon épaule et je n'entendrai plus ta voix me disant « Qui t'insulte, qui t'outrage, vieillard, que je lui apprenne à te respecter. » Maintenant, moi, Cadmos, moi qui ai semé la race des Thébains, cueilli la glorieuse moisson, je serai chassé de mon palais. Si quelqu'un trouvait encore le courage de défier le ciel, qu'il contemple ce spectacle et il croira. Que saignent mes yeux. Oh, bacchante de mort. Déchire tes voiles et déchire ta chair pour la chair morte et pour le corps tué. Malheur sur mes yeux, sur ma bouche et mes mains. Malheur sur vous, sur nous tous. Ô douleur, car mon fils, ô ses mains brisées, ses yeux crevés, ô sa bouche arrachée. Car mon fils à moi, mon roi, mon jeune roi, son défi craché à la face des dieux, l'a broyé. Comment pleurer le crime et la folie où fut broyé mon fils? Et sur quel champ convient-il de gémir la mort du roi de Thèbes? Convient-il d'honorer le roi qu'on a tué, qu'on a broyé dans le creuset de ma folie? Ô doux corps de mon fils, en qui coulait ma vie. Dites-moi, dites-moi tous, qui jamais dans la Grèce, lequel jamais dans l'infini des temps, lequel de vos aïeux jamais hurla au Dieu du ciel d'aussi folle douleur, et mon cri jeté au Dieu, au vent, au ciel, quel écho va répondre à ce ventre qui hurle? Les dieux du ciel ne tuent pas leur fils. Le vent me plaint, mais il porte mon cri. Alors l'oiseau, l'oiseau privé de ses petits, tous les oiseaux planant, tournant autour des cimes, lorsque le nid est vide et tombé les petits, les oiseaux fous tournant autour du nid, tournant et tournoyant autour de l'arbre, ivre tourbillonnant, tournant jusqu'à s'abattre. Vertige de mort, couche-moi sur la terre pour y frapper mon cri, pour y saigner mon deuil. Voici le dieu vainqueur. Dionysos est là, à genoux les bacchantes. Le regard vers le sol. Car vous savez ce qu'il en coûte de braver les dieux. Bacchantes, c'est bien ainsi qu'il vous faut m'adorer. Mais j'attends encore le salut de ces deux-là. Je t'adore, Bacchos. Sur le corps de mon fils. Par les larmes de ma fille, je t'adore, Bacchos. Tout cela n'est venu que trop tard. Ô fils de Dieu, pouvons-nous te parler? Vous le pouvez. Le crime ne vous a pas souillé. Comment se fait-il qu'ayant pour mère la sœur d'Agavé, tu n'aies pas arrêté ta vengeance et empêché qu'un sang pareil au tien ne coule? Le Fils de Dieu n'a pas le sang de l'homme. Ô Dieu puissant, ô Dieu sage, ô Dieu clément, je ne puis, moi, une mère, vivre dans cette ville où j'ai enfanté, élevé et tué mon fils. Ô Dieu puissant, ô Dieu sage, ô Dieu clément, je ne puis, moi, un vieillard, relever le sceptre tombé de la main sanglante du roi. Voici ce que j'ai décidé. Ce dernier châtiment sera la délivrance. Agavé, je te rends l'unique félicité. Je te rends la folie. Seule l'inconscience peut te permettre de survivre à ce que tu as vécu. Remercie-moi. Toi, vieillard, tu seras chassé de ta patrie, mais ne t'inquiète pas. Je serai magnanime. Un jour, père de ma mère, je te transformerai en quelque bête. Tu vaux bien cela. En serpent, si tu veux. Et tu vivras éternellement sous cette forme. Ô brillant séjour des bienheureux. Telle est ma décision. À moi, Dionysos, le fils de Zeus. Dionysos, nous avons été coupables. Il est trop tard pour le comprendre. Mais ta vengeance est plus qu'atroce. On n'outrage pas un dieu impunément. Dans leur ressentiment, les dieux ne devraient pas imiter les hommes. Qu'as-tu osé me dire? Dans leur ressentiment, les dieux ne devraient pas imiter les hommes. Digne mère de ton fils. C'est mon père à moi qui a décidé cela. Et depuis longtemps. Cela s'appelle le destin. Qu'attendez-vous encore? Puisque je vous répète qu'il en sera comme je vous l'ai dit. Père, je vais te perdre. Destin absurde. Errer, fuir, combattre. Chercher, alors que je n'aspire qu'au suprême repos. Pourquoi te sers-tu contre moi, mon enfant, mon pauvre cygne au blanc plumage? Ton père ne peut plus rien pour toi, on décide pour lui. Va-t'en, ma fille. Adieu, ma maison. Adieu, ma joie. Adieu, ma ville. Va-t'en, ma fille. Va. Va. Oh, père, que vas-tu devenir? Et toi? Ce dieu n'est qu'un dieu de terreur, et sa vengeance est trop cruelle. Peut-être l'offense était-elle sans pardon. Adieu, père. Adieu. Sois heureuse. Non, Bacchante, laissez-moi. Je rejette le tirse. J'arrache la tunique. Je refuse l'ivresse. Que d'autres en fassent leur joie. Mmh. qui comprendra jamais la volonté des dieux? La fleur de nos espoirs s'arrache dans leur rage alors qu'ils ont mûri le fruit de nos terreurs. Ceux qui règnent ainsi, sont-ils vraiment des dieux? La communauté radiophonique des programmes de langue française vient de vous présenter, dans la série Théâtre grec, la tragédie d'Euripide, Les Bacchantes, adaptation de Jean Le Payot. Voici quelle en était la distribution. Raymond Jérôme, Dionysos. Jean-Paul Moulineau, Cadmos. Robert Murzo, Tirésias. Et Denis Manuel, Pinté. Avec Raymond Jourdan, le serviteur. Julien Guillaumard, le premier messager. François Chaumette, sociétaire de la Comédie Française, le second messager. Nathalie Nerval, la coryphée. Sylvie Hartel, Caroline Claire, Colette Aumont, Sylvie Moreau, Catherine Réti, Rachel Salic, Arlette Thomas, Maria Verdi, le chœur des Bacchantes. Et Josette Bouleva, Agavé. Musique originale de Serge Kaufmann. Ensemble musical de l'ORTF, sous la direction d'André Girard. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Mixage et montage, Yann Parentoen. Assistant, Alain Masse. Réalisation, Jean